Salut, c'est Comme une oreille, salut Florian. Salut Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend un enregistrement sous-marin qui est enregistré donc sous les vagues de la côte anglaise de l'Est, mélangé à un morceau d'un groupe de rock qui s'appelle Mike Rapp and the Cotas. Le morceau s'appelle Nautilus. Un morceau qui dure très longtemps, très planant. Quelle est la thématique du jour ? La thématique du jour, c'est 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers, donc tous les morceaux sont sous licence libre, comme tous les morceaux qu'on diffuse dans Comme une oreille, et vont tous tourner autour de ce roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Et 20 milieux sous les mers, pourquoi ? Parce qu'il y a un spectacle, une mise en scène au théâtre par Christian Haeck de la Comédie Française, qui sera retourné en janvier de l'année prochaine, qui est un spectacle magnifique avec des énormes marionnettes, un gros poulpe géant, et des comédiens de la Comédie Française qui sont derrière habillés en noir et qui font bouger les marionnettes. Dont la scénographie a été faite essentiellement par Delphine Sainte-Marie, signée par Eric Ruff. Je tenais à la citer. On va écouter tout de suite deux morceaux, Facing the Sea et My Magnificent Sea. Place where we grew up. Voilà, après la pop sucrée de Garmisch, un groupe suédois qui est sorti sur le label Block Sonic en 2010. C'était le morceau Facing the Sea. On vient d'écouter The Rations, qui est très peu d'infos sur ce groupe, groupe de hardcore new-yorkais en tout cas. L'album semble sorti. Donc l'album c'est Martyrs and Prisoners et il est sorti visiblement en 2013 sans label. On va enchaîner avec deux autres morceaux. On est toujours dans la contemplation de la mer avec Black Sea Seven et Deep at Sea. Thank you. keeping me safe and sound in sanity, safe and sound in my old routine. I'm far from land, I have left in my hand a few grains of sand, and I try to understand the world in all its expanse. Alone again, I hope to find a greater kindness, peace of mind, a faith or joy in my core. I leave my love on the familiar shore. Among eternity, I am as much as everything. I am good for nothing. Alone again, I hope to find a greater kindness, peace of mind, a faith, a joy in my core. I had for some unknown shore. Voilà, on vient d'écouter Mia Doitod, Profondément dans la mer, Deep at Sea. C'est Mia Doitod, c'est une chanteuse américaine, et là c'est une californienne de Los Angeles, enregistrée dans un live à la radio WFMU en 2005. Et juste avant, on écoutait The Undercore Orchestra, un groupe aussi américain, de l'Oregon, de Portland, un album qui date de 2009. Voilà, on enchaîne avec deux autres morceaux, donc toujours thématique 20 milieux sur les mers, sur comme une oreille. On va enchaîner avec Ville portuaire et ensuite le premier naufrage, hein, puisque vous vous souvenez, 20 milieux sous les mers, il y avait énormément de naufrages. Donc Ville portuaire et One Shipwreck After Another. Pour pouvoir venir te visiter, dans la neige, retourne sur son passage. Bon, sensations incongrues. Alors, vous venez d'entendre Golden Bats avec One Shipwreck After Another. Mon accent anglais est moins bon que celui de Jean-Baptiste. Donc, il y a un groupe qu'on dénomme Doom Metal, donc vraiment une musique très lourde. C'est un groupe australien de Brisbane. Et ils sont sur Coffin Cut Records. Et leur nom de... Je ne sais pas si on a leur nom d'album. Non. Ça s'appelle V. Ça s'appelle V. Voilà. Et le groupe d'avant, c'était Tolar, un groupe grenoblois avec la chanson Ville portuaire. Voilà, comme il vous disait, c'est assez entraînant, c'est un peu notre tube de la playlist. Et donc, comment on peut investir les ports en été. Et donc, ouais, ils sont de Grenoble, ils ont sorti plusieurs EP, un split aussi avec un groupe qu'on vous a déjà passé sur les ondes de Commune Oreille ou Gentil Commune Oreille, Ultra Démon. Et leur, à part le dernier de 2014, ils sont épuisés, tous les disques de Tolar ou de Golden Bats. Donc il y a aussi des stars dans la musique libre. Ils épuisent tous leurs disques. Mais voilà, bon, vous pouvez en tout cas forcément les trouver sur le net. Et on enchaîne avec deux morceaux. Après les naufrages, on rencontre. rencontre les premiers monstres marins, le narval, puisqu'on pensait que c'était ça, qui fait provoquer les naufrages, et ensuite le monstre d'eau. Bye. On vient d'écouter Mike Morton, le monstre d'eau. Mike Morton, c'est un Parisien, et c'est tiré de l'album Mini Mike Party, qui est sorti l'année dernière, en 2015. Et juste avant, on écoutait Ergophysmise, dont j'ai déjà passé plusieurs morceaux quand l'émission s'appelait encore Gentil n'a qu'une oreille. C'est un Anglais qui est ultra productif, et là, c'est tiré d'un... d'une musique de film et j'ai perdu la référence, je me souviens pas, mais c'était Narval, ça s'appelait. Et on va enchaîner avec deux morceaux encore, toujours sur la bête de l'eau, ce monstre marin, Sea Beast Release, et ensuite on va enfin rencontrer le capitaine Nemo. We'll be right back. on vient d'écouter Orthotonix. Orthotonix, c'était un groupe américain. C'est un morceau qui a été enregistré en 1984. C'est tiré de l'album Wake Up You Must Remember chez Artifact. Et, c'était un groupe qui était dans la mouvance de Rock in Opposition, c'est une mouvance de groupe de rock qui allait flirter vers le jazz, le rock progressif, qui mélangeait tout ça. Qui correspondait du coup pas aux normes établies de l'époque. Orthotonix, donc c'était le morceau Nemo. Et juste avant, on écoutait le morceau Sea Beast Released du duo américain de musique électronique Porno Galactica. Morceau qui est tiré de l'album Romance in the New World, un album de 2010. Et on va enchaîner avec, donc on a rencontré Nemo, on va enchaîner avec un morceau, deux morceaux, on va enchaîner avec deux morceaux, Octopussy, donc le poulpe, et Des poissons, des oiseaux. Il y a un lien familial entre ces deux morceaux, et on va écouter ça. We'll be right back. C'était Miss Emma. Miss Emma, des poissons, des oiseaux. Donc Miss Emma, c'est une petite fille de 11 ans, au moment où elle a enregistré ça, qui est allée voir son papa, Juan, du groupe précédent, qui est les Juanitos, et en lui disant, j'ai écrit une chanson, ça se chante comme ça, tu veux pas me faire la musique? Et voilà, ils ont fait ça ensemble. Et donc, c'est un super morceau. Et juste avant, on écoutait les Juanitos. Juanitos, donc un groupe de Chambéry. Et c'était Octopussy, la pieuvre. Et maintenant, Je voulais juste rajouter que donc c'était sur la pieuvre et on a ce rythme et ce refrain un peu entraînant et il nous dit en espagnol "Saca el pulpo de tu maleta", qui va dans ce que tu as dit avec Octopussy, retire le ou ôte le poulpe de ta valise. Voilà, c'est ce qu'il dit sur le refrain. Et on enchaîne avec deux morceaux, donc on va rester sur les poissons qu'on voit à travers les hublots du Nautilus. Et un autre morceau qui s'appelle No More Sea Monster, et là aussi ce sera un morceau avec des enfants. Thank you. C'était, pardon. C'était à l'instant, c'était le groupe Snow Monster, qui est un groupe composé de Dustin, Oscar, non, de Mabel, Oscar et de leur papa Dustin. C'est un disque est sorti, c'est l'album Stone Cold Treasures, sorti sur le label Kazoom Zoom, qui est un label de musique libre faite par des enfants. Et c'est un disque qui a été enregistré en 2007. Et donc ça s'appelait No More Sea Monster. Et juste avant, on écoutait Les Poissons de Dudu Guéva. Dudu Guéva, qui est un groupe français, c'est tiré d'un album qui s'appelle Retro Vulva 2003, qui est sorti en 2009 sur plusieurs labels, Commence par Maman, Galerie Pache, Le Vilain Chien, Birdsong, Net Label, et Les Potagers Nature. Avec notamment Osso El Roto dedans, dont on reconnaît bien le jeu guitaristique et dont on a déjà passé plusieurs morceaux dans différentes émissions. Et on va enchaîner avec les deux derniers morceaux de cette sélection autour de 20 milieux sous les mers, dans Commune Oreille, Manfish et Ocean. One bite won't kill the killer, but it sends a message. And one sniff can't kid a kidder, but you'll learn a lesson. And one prick can't bleed you dry, but he can be a real thorn in your fucking side. And one kick won't make you cry in the moment, maybe later. One step to go outside, but you can't commit. One click to change the channel when you're sick of dog shit. And one slip to blow your fucking brain out on the floor, to use a metaphor. And one tear don't make a difference when you're in the war. Somehow. venait d'entendre à l'instant la chanson Océane de House Berlin, un groupe dont on n'a pas trouvé beaucoup d'informations. On va vous les laisser chercher si vous voulez les trouver. Mais c'est une chanson qu'on a trouvée sur la compilation Tenia Solium, qu'on utilise parfois, même souvent, qui est une compilation de musique libre et gratuite autour de Grenoble et de la Drôme, de leur première compilation que vous trouvez sur le net. Et avant, c'était la chanson Manfish du groupe Aubry, qui sont un duo qui sont bercés. Ils ont l'air plus nombreux que ça. Hein, des mélodies. Ils ont l'air plus. Ils ont l'air non, plus ils sont neuf, regarde. Ils sont neuf, pardon. Neuf membres. Et voilà, on nous dit qu'ils sont bercés au son des mélodies des Beatles, de Supergrass et autres groupes de rock britanniques, entre autres Monty Python, Tom Waits et The Kinks. C'était l'album Feed Me Poison qui est sorti là en 2016, sans label visiblement. Et c'est la fin de cette émission. Comme une oreille, thématique sur les 20 milieux sous les mers. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Zinzine dès qu'elle sera mise en ligne. Vous pourrez aussi, dès qu'elle sera mise en ligne, la réécouter sur le blog communeoreille.blogspot.fr. Et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle thématique sur les musiques sous licence libre. À bientôt. À bientôt.